got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should've got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup. Yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave your, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Digga, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your for a white girl. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Let me hear that back. Vous écoutez Skyrock tous les dimanches entre 18h et 20h. On est premier sur les classiques avec Kanye West et Jamie Foxx. C'était Gold Digger. En anglais, ça veut dire chercheur d'or. Et sur Skyrock, vous pouvez chercher des chèques de 1 500 €. Ça se passe le matin chez Difool entre 6h et 9h. Retour du jeu demain matin. Faut répondre Skyrock dès qu'on vous appelle pour vous parler radio ou téléphone. On appelle dans tous les annuaires de France et sur les inscriptions difool.skyrock.com. C'est gratos, allez faire un tour. 1 500 € peut-être pour vous la semaine prochaine. Soyez là. Réveillez-vous tous les matins avec Difool le morning, 6h, 9h. Touchez pas à la radio, on est premier sur le rap dans Skyrock Classics avec Naz. Naz is like, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Rof Asia juste après, 5-9-1 et Come With Me, le son de Puff Daddy. Skyrock Classics. Freedom of jail, clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end. As far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the artist, but hardcore, my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame. Saw fiends shoot up and do lines of cocaine. Saw my close friend shot, flatlining my sane. That depends, carry Mac-10s to practice my aim. On rooftops, tape CD covers the trees. Line a barrel up with your weak picture and squeeze. Street scriptures for lost souls in the crossroads. To the corner thugs hustling for cars that cost dough. To the big dogs living large, taking it light. Pushing big toys, getting nice. Join your life is what you make it. Suicide, few tried to take it. Belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. And of course, NAS are the letters that spell. Nas, Nas is like life or death. My rap, my poetry's deep, I never felt. Nas is like, Nas is like. Earth, wind, and fire, rims and tires, bulletproof glass inside is the realest driver. Planets in orbit, line them up with the stars. Tarot cards, you can see the Pharaoh Nas. Iron Mike, Messiah type, before the Christ, after the death, the last one left. Let my cash invest in stock. Came a long way from blasting texts on blocks. Went from Seiko to Rolex. Owning acres from the projects with no chips to large cake though. Dimes giving fellatio. CN day zeros. Bet my nine spent for the pesos. But what's it all worth? Can't take it with you under this earth. Rich men died and tried, but none of it worked. They just robbed your grave. I'd rather be alive and paid before my numbers call. History's made. Some will fall, but I rise, thug or die. Making choices that determine my future under the sky. To rob, steal or kill, I'm wondering why. It's a dirty game. Is any man worthy of fame? My success to you, even if you wish me the opposite. Sooner or later, we'll all see who the prophet is. Not just like life or death, my rebel. My poetry's deep, I never felt. Not just like, not just like. Half man, half amazing. Come on. No doubt. Not just like life or death, my rebel. My poetry's deep, I never felt. Not just like, not

Skyrock Classics. C'était justement Come With Me, P. Diddy dans Skyrock Classics. Et en parlant de foot, il y a en ce moment à Porte d'Auteuil l'hommage à notre Momo National, notre footix de la radio, qui nous a quitté malheureusement le week-end dernier. Et j'ai 30 secondes à vous faire écouter. C'est super émouvant. Les ultras du PSG à Porte d'Auteuil qui chantent pour Momo, écoutez. On dédicace ça pour tous ceux qui n'ont pas pu y aller. Ils sont forcément en province, un peu loin. Merci Momo. Voilà, l'hommage à Momo. En ce moment, il y a une réunion à Porte d'Auteuil dans le 16e à Paris. Vous pouvez toujours y aller si vous êtes dans le coin. Skyrock Classique, ça se poursuit jusqu'à 20h. Avec les meilleurs sons de Skyrock, voici Beyoncé, Jay-Z, Drunk in Love. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Keep my fingers off you, baby. I want you, nah, nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you. Na-na, drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby, drunk in love. We be all night and everything all right. No complaints with my body, so fluorescent under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding up in that club. Stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest bitch thus far. Talking about you be reppin' that third. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four play in a foyer. Fucked up my Warhol. Slid your panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, say eat the cake, anime, I'm nice. For y'all to reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in, we be all night. DP, GC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch quit talking, quit walk if you down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking

me, that's mental. Two little kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. The Mac daddy make you jump, jump. The daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Uh-huh, uh-huh. Jump, jump. The Mac daddy make you jump, jump. A daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Now, the formalities of this and that is that Crisscross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't. Cause I'm the biggity, biggity, biggity, biggity Mac Daddy. The biggity, biggity, biggity, biggity Mac. Cause I'm the biggity, biggity, biggity, biggity Mac Daddy. The biggity, biggity, biggity, biggity Mac. I make you wanna jump, jump. The Mac Daddy make ya jump, jump. A daddy Mac will make ya jump, jump. Crisscross will make ya jump. Tous les dimanches 18h-20h, c'est Skyrock Classics, la meilleure émission avec tous les plus grands classiques du rap, du R&B que vous avez découvert au fil des années sur Skyrock. C'était Chris Cross avec Jump sur Skyrock. On file retrouver Maze dans un instant. Maze, c'est Feel So Good sur Skyrock. On prépare aussi Lil Wayne avec Static Major pour Lollipop et Shuriken Dayam pour L'être sur Skyrock. Premier sur le rap. Passez une bonne fin de week-end à l'écoute de Skyrock Classics jusqu'à 20h. Skyrock Classics. Classics. Kayla 2SIKS. In the place to be. Uh-huh. It's about that time for us to. Yeah, what you know about going out? Head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Try and live it up, rock jewel, bigger truck, peace all glittered up. Stick a kid, what? Jig with a cut, Chris, spit it up. Rock, get your till I can't get it up. I'm a big man, get this man room. I done hit everything from Cancun to Grand Tune. Why you stand on the wall, hand on your books, lighting up drugs, always fighting in the club. I'm the reason they made the dress code. They figure out what and why when I'm in my fresh clothes. Dresses, I suppose, from my neck to my toes. Neck full of gold, baguettes in my rows. Rec shows, collect those, extra old. Buy the E, get a key to the Lex to hold. East, west, every state, come on, bury the hate. Millions, the only thing we in the heavy to make. Whether from the ex-friend, intellects or bins. Let's begin, bring this BS to an end. Come on. Bad, bad, bad, bad boy. Yeah. You make me feel so good. Bad you boy. Know you make me feel so good. Yeah. You know you make me feel so good. That's what we do. You can't understand, we be Waikiki, sipping DP to the TV, look 3D. Uh-huh. Little kids see me way out in DC with a Z3 Chrome BBs. They wanna be me. Talking, they ought to quit. Unfortunate, they don't see a fourth what I get. And those be the same ones walking while I whip. Just started seeing cars cause they auction it. So while you daydream, mama city gleam. And I deal with the pose and Maybelline. One time you had it all, I ain't mad at y'all. Now give me the catalog, I show you how daddy ball. That's right. Six cars and power to fire big stars. Sit up CEO style, smoking on cigars. God, it's like y'all be talking funny. I don't understand language of people with short money. Come on now. Bad boy. Yeah. You make me feel so good. Come on. You know you make me feel so good. You know you make me feel so good. That's what we do. Bad, bad, bad, bad yeah. Boy. I wouldn't change you if I could. I wouldn't change you if I could. Come on. I wouldn't change you if I could. Yeah. Do Maze got the ladies? Yeah, yeah. Do Puff drive Mercedes? Yeah, yeah. Take hits from the 80s? Yeah. But do it sound so crazy? Yeah, yeah. With me personally, it's nothing personal. I do what work for me, you do what work for you. And I dress with what I was blessed with. Never been arrested for nothing domestic. And I chill the way you met me. With a jet ski, a tattoo, a SC. Smoke my Nestle, nomad rap, ass cat with my check B. Problem with y'all, I said directly. That's right. Went from hard to sweet, starved to eat. From no holy shows to menage a sweet. Yeah. Now I be the cat that be hard to meet. Getting hit from girls that used to hardly speak. Come on. Yeah. Boy, you make me feel so good. Uh-huh. You know you make me feel so good. You know

plaisir. 18h-20h, c'est Skyrock Classics avec les meilleurs sons de Skyrock. Depuis qu'on vous passe du son rap et R&B, c'était Jennifer Lopez et Ja Rule pour I'm Real. Programme de très très haut vol. Comme tous les dimanches soirs, ça se prépare le Hit US à partir de 20h, les 10 cartons rap et R&B aux États-Unis à partir de 21h. La radio libre, on va vous passer la majorité de l'émission de lundi. Spécial hommage à Momo, vous allez redécouvrir tout ça avec Vincent. Ce sera entre 21h et minuit. Et à partir de minuit, DJ Kez et Fred vous servent 2 heures de mix hip-hop et oriental. C'est Rai Suprême, c'est seulement sur Skyrock. Avant tout ça, on va retrouver Sean Paul et Sacha, énorme classique, I'm Still In Love With You, c'est ça. Qui n'a pas kiffé ce son? Comme par exemple Danadine qui nous envoie un message, un son qui me rappelle la belle époque où Insouciant c'était notre allié. Big up à l'équipe, gros soutien. Et ouais, Skyrock Classics, il n'y a que du bon son tous les dimanches. Et on vous sort aussi Jump Around, le son d'House of Pain, avant 20h. Et l'arrivée de Stéphane pour le HUS. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Section d'Assaut, c'est baladé sur Sky. Au début je faisais du sang pour épater les collégiennes. Ensuite je le faisais pour épater les lycéennes. Ensuite on m'a chuchoté que je pouvais devenir numéro uno. Y'en a même qui disaient qu'on pourrait se faire des une deux. Je passais de l'anonymat aux petites soirées mondaines. J'aime pas trop le caviar, laissez-moi mon assiette de peine. J'arrive en bolide, en poli, j'attise la haine, cousin. J'ai des textes insolites, solides, je suis plus le même. Donc je vais me balader, allez me balader. Je vais me balader. D'abord un pour les nôtres, j'fuck tous les autres, j'bosse tous les jours, c'est les Sénégal, le Porsche et les poches pleines. Mon équipe de négés se porte, atteinte au corps, donc porte tes couilles. Je veux pas que t'écoutes et que tu portes plainte. À part ça, non, mais on veut plus taffer pour un homme, mais toujours jouer les yens. J'finis l'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs. Ça rit et cherche que les amis de mes amis, t'inquiète les reins. C'est le titi parisien, t'as reconnu l'accent. Nous la flambe, la mal, la valeur, zéro qu'on vit absent. Dans la ville des jolis bolides, domine sans faire d'action. Non, y'a plus d'illicite, j'pense qu'on a retenu la leçon. On est plus mal, saint Alphème. Tu vis mal ça, parce que c'est fini, on se massacre plus mince. En plus, on veut faire des sous et devenir des princes. On fait sortir le genre des poches, même aux plus grosses pinces. Donc, je vais me balader, allez me balader, yeah. Balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader. Imbécile, non, je dirais même que t'es con. À vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes ponts. Yeah. Boîte IB, nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte. Donc nouvelle casquette, imbibée de sueur. Wesh le boss, ouais. Double roro sur les chroniques. Change rien, fuck les gadgets électroniques. Ah, nous c'est du solide, vous c'est du lait. Nous sommes des bolides, vous c'est déluge. Nous sommes comparables au déluge. Yeah. Vous êtes les sinistrés qui se réfugient. Ah. Paranoïaque, psychopathe, je veux me balader sur les chansons, flic au pas. Yeah. M'balader, allez m'balader, yeah. Je vais m'balader aux Champs-Élysées. J'ai dit je vais m'balader aux Champs-Élysées. Je vais m'balader dans les rues de Panama, Cayenne, je suis fire. Je déboule avec l'équipe, elle poteau zienne. Attends, y'a Chico, les marais, garus, des coquillères. Je suis bouillant, y'a de la fumée, du démon vers la faille. Je vais les dans les coins chic, t'inquiète. Roulant split, y'a les keufs, on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, t'appelles, c'est quoi le 06, je t'appelle. Musique à fond, boulevard, on se peint, ça bombarde ta rue de la. Moi j'étais le petit con que les keufs aimaient contrôler. Toujours le petit sourire moqueur quand ils me disaient contre le mur. Petit bout de meus, toujours dans la chepeau. On me disait, joue pas trop avec la hurée, va te mettre une chego. Je vais me balader, allez me balader, yeah. M'balader, allez m'balader, yeah. Je vais m'balader aux Champs-Élysées. J'ai dit je vais m'balader aux Champs-Élysées. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader aux Champs-Élysées. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I don't say dirty, dirty love. Stay at that, that, that, that, that, love. I'm still in love with you, boy. So, girl, you try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. It's a loving from

with ya, spitting out lyrics, homie, I'm with ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. C'est Skyrock Classics tous les dimanches 18h-20h, les meilleurs sons de Skyrock à retrouver, à découvrir et à redécouvrir. Jump Around, c'est ce qu'on écoutait à l'instant, le son d'House of Pain à 20h01. Steph est en face de moi, tu étais tout à l'heure au rassemblement pour Momo, à ouais, d'Auteuil. Exactement, c'était un rassemblement de dingue, bah, c'est super bien passé. En tout cas c'était une organisation de fou, il y avait tous les poteaux de Momo, les Supras d'Auteuil qui étaient là. Il y avait des groupes de supporters d'un petit peu partout en France et même d'Europe d'ailleurs, parce que j'ai vu des supporters de Cologne en Allemagne. Le foot, ça unit tout le monde, hein. C'est cool. Ouais, bah, c'est Momo surtout qui a réussi à réunir tout le monde ce soir en tout cas. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. Tiens, joué, on a mis un petit son de côté pour vous. Ouais, un petit bout. Écoutez. Allez. Voilà, ça c'est magnifique de ce qui s'est passé avec les supporters parisiens qui ont rendu un hommage de dingue à leur poteau Momo. C'était notre poteau à nous aussi. Bah voilà, écoutez, il nous a quittés la semaine dernière. Franchement, je suis super content des hommages qui sont rendus. En tout cas, j'espère que ça a touché la famille. J'espère que ça c'est l'a national touché comme hommage. C'est génial. Franchement, ouais, moi je suis super content. Pareil. Ok, bah écoute, Maxime, vas-y, émission terminée. Skyrock Classics. Et puis nous, on est parti pour le 8 US juste avant la spéciale de la radio des Buddy Fool. Exactement, c'est parti pour les États-Unis à 20h02. Allez, on y va, c'est parti. Et on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.